la générosité envers soi plutôt que le sacrifice. Voilà le sujet qui va être abordé dans le cadre de cette capsule audio. Donc, si vous appréciez les enregistrements que je rends disponibles au public en grande quantité au fil du temps, parce que j'en ai produit là, au-dessus de 500, ben oui, que vous pouvez retrouver sur le web, donc notamment là, sur mes chaînes YouTube, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés, que ce soit PayPal et également Interac. Donc, vous allez retrouver les coordonnées là, à ce sujet en bas de l'enregistrement présent que vous écoutez. Donc, c'est sûr que si vous appréciez mon initiative de communication qui vise à vous présenter une vision différente du monde de celle qui est dépeinte dans les médias de masse, qui sont soumis à la loi générale, qui sont soumis au contexte manipulateur plutocratique, donc le complexe qui manipule les gens en fonction de la puissance financière, donc puis les grandes corporations, eh bien, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez entendre quelque chose de différent, d'écouter ma chaîne, bien entendu. Parce que ma volonté n'est pas de me soumettre au discours officiel pour me dicter comment penser, me comporter, quoi faire, mais d'évaluer tout par moi-même et d'être généreux envers moi-même en partant du principe que la meilleure personne qui est placée dans ma vie pour connaître mes besoins et y répondre, bien, c'est moi-même. Donc, c'est sûr que les médias peuvent dire aux gens, « Ah ben, vous avez besoin là, de rester chez vous confiné, vous avez besoin de vous faire vacciner, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vous acheter, avec la publicité, de vous acheter des autos, de l'acheter de la loterie. » Donc, ça me fait penser à une anecdote. Il y a plusieurs mois, j'avais été au Québec, à une station à service, donc un dépanneur qui s'y rattache, pour aller payer l'essence, donc dans un commerce. Le commis me demande « Voulez-vous avoir une grande vie? » Et c'était le nom d'une sorte de loterie. Et j'ai dit non. Pourquoi? Ben parce que je considère que j'ai déjà une grande vie. Dans la mesure que j'ose être pleinement moi-même, je bénéficie de la grandeur de ce que je me donne à être. Donc, on essaie de nous vendre l'idée que nous avons une vie qui est petite, que notre vie est merdique. Mais non, tabarnak. Il faut avoir l'audace de regarder qu'on est tout le temps manipulé pour nous écraser, puis il faut se poser des questions, juste avoir une attitude philosophique par rapport à la vie, sans entrer dans des grandes considérations occultes, puis poser des questions qui peuvent paraître être simples, mais qui sont extrêmement révélatrices par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre environnement, puis les gens qui nous entourent. Comme par exemple... On peut regarder, au moment où je vous parle, c'est le mois de juin de l'année 2021, puis là, il y a une campagne là avec le gouvernement là qui marche main dans la main avec les médias pour convaincre la population de se faire vacciner. Ils savent plus quoi faire. le ministre Christian Dubé remet des hot-dogs gratuitement aux gens qui se font vacciner au Québec. Donc... Il essaye par différents moyens là, d'amener les gens à la vaccination. Donc, j'observe ça. Premièrement, est-ce que les journalistes, est-ce que, si on prend par exemple les membres du gouvernement qui veulent amener les gens à être vaccinés, ont l'autorité, ne serait-ce qu'au niveau éthique, de le faire? Parce que si on part du principe qu'un vaccin... c'est un traitement médical et qu'au Québec, pour administrer un traitement médical, eh bien, il faut que la personne soit autorisée par l'ordre des médecins. Or, à ma connaissance, le ministre de la Santé au Québec, Christian Dubé, n'est pas médecin, c'est un économiste. Or, lui, ce qu'il dit, il dit aux gens de se faire vacciner. Mais est-ce qu'il y a l'autorité, les connaissances, les compétences pour évaluer les avantages, les inconvénients liés au vaccin, pour être capable de présenter l'information objectivement à la population? Et est-ce qu'un individu qui n'est pas membre de l'Ordre des médecins peut recommander un traitement médical? Est-ce que des journalistes dans les médias là, qui disent que c'est important la vaccination ont le droit d'agir ainsi? Il faut se poser la question. Donc, quelqu'un qui recommande à une autre de se faire vacciner, puis la personne n'est pas médecin, par la suite, si la personne a des complications ou elle a des problèmes, c'est qui va être responsable? Donc, mais présentement, je suis peut-être la seule personne ou une des rares personnes présentement qui se pose des questions par rapport à ça. Si, par exemple, quelqu'un dirait à une autre personne qui n'est pas médecin, donc la personne n'est pas médecin, elle dit « Ah, toi, tu devrais avoir une chirurgie cardiaque. » Probablement que l'autre personne n'accepterait pas ça. Mais par rapport à la vaccination, il y a des gens de la population ici au Québec, j'imagine c'est la même chose en Europe, en France, qui vont dire à d'autres personnes « Fais-toi vacciner. » Puis les gens sont tellement hypnotisés que ils vont pas nécessairement se poser des questions. Ça, c'est un aspect de la manipulation. La technique, des tactiques d'influence qu'on cherche à mettre en place présentement pour que les gens adhèrent à l'agenda vaccinal. Et c'est sûr qu'à travers ça, ben qu'est-ce qui peut arriver? Ben c'est un abonnement perpétuel à la vaccination. Parce que là, il y a une première dose, une deuxième dose, on parle de la possibilité d'une troisième dose, puis ben finalement, une vaccination récurrente là à chaque année. Donc, est-ce que les gens veulent ça? Moi, présentement, par rapport à cette histoire de vaccination, je suis plutôt dans une conscience témoin, j'observe. Et je regarde comment que les gens se comportent. J'ai tout évalué par rapport à moi-même. Je me suis posé des questions, à savoir est-ce que c'est pertinent par rapport à mon âge, j'ai 40 ans, par rapport à mon état de santé. Est-ce qu'on connaît les effets secondaires à long terme liés au vaccin? Est-ce qu'on connaît tous les effets? Est-ce qu'on sait combien de temps la personne va être immunisée contre un virus avec le vaccin? Je me pose tout simplement des questions. Puis j'observe. Puis sans aller trop loin, je regarde les choses aussi intuitivement. Mais la générosité envers soi, qui est le thème de l'enregistrement, c'est de réaliser qu'à quelque part, si vous attendez que les autres soient généreux envers vous, vous risquez d'attendre longtemps. Et la générosité envers soi, c'est de se permettre de faire des choses, d'aller d'au-delà des tabous sociaux, des préjugés, pour être bien dans sa peau. Et que à quelque part, ça se peut que vous ne ferez pas plaisir aux autres là, avec la générosité envers soi. Parce que le système et la structure sociale, présentement, avec le complexe de la manipulation par la peur, au profit d'un mode de vie qui fait penser aux otaku au Japon. Donc, il y a plusieurs années, j'avais entendu parler des otaku, c'est-à-dire un phénomène où des jeunes, d'une manière volontaire, se retirent chez eux, ça peut être dans un sous-sol, et passent l'essentiel de leur temps à regarder des mangas, donc des bandes dessinées japonaises sur leur écran d'ordinateur, à jouer à des jeux vidéo aussi. Et ces gens-là passent l'essentiel de leur temps chez eux, devant leur écran. Donc, ils vont pas nécessairement sortir dehors, ils vont pas nécessairement rencontrer des gens, donc ils vont pas, dans le fond, nécessairement travailler à l'extérieur de chez eux. Et là, ce qu'on réalise, c'est que ce mode de vie où les gens sont chez eux, c'est un mode de vie qui, depuis plusieurs mois, s'instaure en société. Là, j'observe ça comme phénomène social. Donc, l'idée, c'est que les gens font du télétravail, travaillent à partir de leur domicile. Ensuite, s'ils sont aux études, ben c'est de la formation à distance. Ensuite, si on allait à... En fait, ils vont plus à des 5 à 7. S'il y a une activité sociale avec d'autres personnes, ben les gens prennent une coupe de vin devant leur ordinateur. Ensuite, il y a des congrès virtuels en ligne. Ensuite, il y a du cybersexe, donc il y a des gens qui vont se masturber devant des caméras en ligne. Ensuite, il y a des gens qui vont écouter des films à caractère sexuel en ligne. Ensuite, il y a des gens qui vont faire des achats en ligne. Ensuite, il y a des gens qui vont nouer des relations d'amitié en ligne avec des amis virtuels sur Facebook, les réseaux sociaux. Ensuite, ils vont contacter les membres de la famille en ligne. Ensuite, il y a toutes sortes de choses. Là, vous voyez, là, tout ce mode de vie-là où tous les gens sont isolés. Et c'est sûr qu'on dit aux gens, sacrifiez votre vie réelle, puis réfugiez-vous dans le virtuel avec les écrans parce que là, il y a la menace du virus. Mais est-ce que ce mode de vie-là est sain? C'est la question que je me pose. C'est sûr que si je réponds pour moi-même, la réponse, c'est non. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, moi, c'est sûr que je ne vous dis pas quoi faire, mais moi, j'évalue tous les éléments qu'on nous présente, là, qu'on cherche à nous imposer pour voir si c'est intelligent ou pas. Puis, c'est sûr que je me donne le droit d'agir avec une liberté dans ma vie. Parce que, à quelque part, eh bien, si on soumet toutes les règles puis aux structures sociales, eh bien, il y a une dimension qui dégrade la qualité énergétique, qui appauvrit, qui alourdit, qui fait des gens des névrosés. Puis après ça, on est surpris d'entendre, ah, ben là, il y a des cas de gens qui ont des problèmes de santé mentale qui augmentent. Ben voyons donc. Moi, ça me surprend pas du tout. Si vous privez les gens de contacts sociaux, si vous les privez d'un mode de vie dans lequel ils peuvent bouger, ils peuvent être actifs, c'est sûr qu'il va y avoir des contre-coups liés à ça. c'est sûr que si je regarde par rapport au niveau de la sexualité, où on avait la Teresa Tam qui, elle, est en chef du domaine de la santé, et qui a déclaré il y a plusieurs mois qu'elle recommandait aux gens qui n'appartiennent pas à la même unité familiale de porter un masque lorsqu'on a des activités sexuelles avec une autre personne, ou aux responsables de la santé en Colombie-Britannique qui recommandait d'utiliser le Glory Hole, donc utiliser un trou dans un mur pour y insérer, entre autres, dans l'orifice le sexe masculin pour une activité sexuelle pour éviter que les corps puissent se toucher et que, quelque part, il y ait le contact de la sueur là, ou qui pourrait permettre à transmettre le virus entre deux corps. Et là, ce qu'on peut voir derrière ça, c'est que c'est un mode de vie qui n'est pas jovialiste. Ici, je fais référence à la philosophie développée par André Moreau. Donc, ici, c'est sûr que si les gens ne se touchent plus physiquement, ils sont plus dans la communion étrique. Ils peuvent pas jouir du toucher, jouir aussi de la sexualité pleinement si on limite la sexualité à un acte qui est délimité dans l'orifice d'un trou d'un mur pour éviter la contamination, donc l'art érotique qui pouvait englober plusieurs positions, selon l'imagination créative de la personne aidée, personne impliquée, est réduite, est limitée. Donc on cherche à restreindre les comportements sociaux. Et c'est sûr que l'idée, par exemple, de porter le masque pendant une relation sexuelle avec ma compagne, je trouve ça totalement ridicule. Et je trouve aussi que c'est une ingérence abusive gouvernementale en faisant des suggestions comme ça dans la vie intime. Donc, et ça va à l'encontre de l'art érotique jovialiste, dans le sens que si on s'empêche de jouir de la vie pleinement, on peut pas être totalement. Et à quelque part, depuis plusieurs mois, à cause de la crise, il y a des gens qui s'enlisent dans la peur. On pense entre autres à Christian Dubé qui incitait les gens à porter le double masque. Et moi, j'observe jusqu'où ça va amener la peur dans les comportements sociaux. Et là, c'est une comment dire, une observation sociale que je fais depuis plusieurs mois, puis, tu sais, j'observe les gens, par rapport à tout ça, les gens de mon environnement. Des fois, je m'amuse à poser des questions. Donc, par exemple, je connais une personne proche de moi qui, depuis plusieurs années, a fait des démarches pour avoir des enfants. Puis là, elle m'a annoncé qu'elle a été vaccinée. Puis là, j'ai posé la question, est-ce que tu t'es informé au préalable de l'impact du vaccin sur la fertilité? Donc, je fais juste poser des questions. Il y a toutes sortes de choses qui se passent présentement, puis la générosité envers soi, qui est le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est pourquoi que j'en parle? Ben, c'est parce que c'est fondamental de pratiquer le rappel à soi, surtout dans la période présente où le complexe manipulateur plutocratique qui est lié à l'imposition de mesures de contrôles sociaux et l'érogation des libertés dans les sociétés occidentales prend de plus en plus d'ampleur, eh bien, à ce moment-là, il faut prendre de plus d'ampleur et de densité ontologique en osant être pleinement en dépit de la montée en puissance des mesures sociales de contrôle et de l'obscurantisme sanitaire. Ici, obscurantisme, c'est un petit peu comme l'obscurantisme religieux. Au nom de certaines croyances, des comportements possibles sont en fait des comportements sont rendus possibles alors que normalement ça n'aurait pas été le cas. Et à cause que les gens s'enlisent dans certaines croyances. Donc, au moment où je vous parle, au mois de juin, il y a à peu près une centaine de cas par jour avec des tests PCR de gens qu'on dit qui sont atteints du coronavirus et l'urgence sanitaire se poursuit au Québec. Et là, on parle de cas, on parle pas de gens qui sont nécessairement aux soins intensifs, on parle pas nécessairement de gens qui sont malades. Ça peut être des gens asymptomatiques, donc qui n'ont pas de symptômes, mais on parle d'à peu près une centaine de cas. Donc, ce que j'observe, c'est que le Québec, on est rempli de gens avec de la peur. Et j'observe qu'est-ce qui se passe, puis je m'occupe d'être généreux envers moi. Donc, autrement dit, je m'empêche pas de vivre dans ma vie personnelle. Je vais m'entraîner au gym, donc à la salle d'entraînement. Je continue pareil. Donc, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur là, d'attraper le virus dans une salle d'entraînement, puis là, on a essayé de nous faire peur en disant qu'il y a une salle d'entraînement dans la ville de Québec, là, il y a eu plusieurs centaines de cas, il y a eu une éclosion. On cherche à mettre l'emphase sur la dangerosité. Moi, je pars du principe que, à quelque part, le sacrifice qu'on cherche continuellement à nous amener à vivre en nous en mettant à soumettre à la loi générale, aux structures sociales qui cherchent à prendre de plus en plus d'emprise avec un contrôle technologique éventuellement de passe sanitaire. Tout ça, cette machine-là cherche à quelque part à amener l'être humain à se mettre à genoux, à se soumettre, à faire de l'aplaventrisme. Et à quelque part à nourrir la peur. En pleine chaleur, on nous parle de la possibilité d'une quatrième vague pour l'automne 2021. Donc on prépare le terrain à cette possibilité-là. Puis ils jouent les autorités avec des scénarios de peur. Donc la générosité envers moi-même, c'est quoi? Ben, à quelque part, c'est comme le mentionnait le philosophe jovialiste André Moreau, qui faisait allusion au philosophe Søren Kierkegaard en mentionnant, puis je trouvais ça intéressant cette citation, que le seul choix qui ne nous dégrade pas et ne nous divise pas est le choix de soi comme absolu. Parce que sinon, les autres choix nous relativisent. Donc, le seul choix qui nous permet d'être pleinement, intégralement, c'est de choisir soi-même comme point de référence, se donner un centre de gravité permanent, autrement dit, et à quelque part, en faisant ça, ben, on s'individualise. En dépit de ce qui arrive avec le collectif, toutes les histoires de port de masque. Peut-être dans quelques mois, l'automne, on va recommander le port de 3 masques après le double masque. On va peut-être recommander une 3e vaccination. Il y a toutes sortes de choses, de mesures qui peuvent être mises en place en lien avec ce qu'on appelle la crise, qui est constituée par les médias qui véhiculent l'idée qu'il y a une crise. Mais moi, en tant qu'individu, j'ai la volonté de me constituer une vie qui est agréable, une vie dans laquelle je vais pouvoir être épanoui sur le plan physique, m'entraîner physique, m'épanouir sur le plan sexuel, avoir une activité, par exemple, sexuelle avec agréable avec ma compagne, et une activité aussi qui va être agréable à travers ma communication, à travers mon écriture, à travers les activités de méditation que je peux faire. Donc, de me donner une vie agréable. Être générosité envers soi, c'est de donner les moyens de jouir pleinement de la vie. Puis si les autres veulent pas jouir de la vie, c'est de leurs affaires. Si les autres veulent porter le double masque, veulent s'empêcher de sortir de chez eux, puis être des autoclos, donc être extrêmement limité dans une espèce de bulle de protection puis avoir tout le temps peur, ça leur appartient. Ça me fait penser ici au phénomène de la religion au Québec. Massivement, le peuple québécois, jusqu'à la période de la Révolution tranquille, dans les années 70, était sous l'emprise du clergé catholique qui dictait les conduites des Québécois. Et les gens au Québec se soumettaient à ça. Et c'est en fonction de croyances, donc d'éléments irrationnels, auxquels les gens adhéraient. Et la période présente me fait beaucoup penser à ça. Je sais que j'ai fait beaucoup d'enregistrements où ce que je fais la comparaison, mais c'est quelque chose de fondamental parce que présentement, les gens vont croire que les tests PCR sont fiables, qu'on peut se fier à ce que disent les médias en lien avec le nombre de cas relatifs aux tests, vont croire que le gouvernement, c'est une bonne chose qu'il fasse la promotion du vaccin, que c'est une bonne chose de faire la promotion du port du masque, de mettre en place un couvre-feu, de mettre des mesures de distanciation sociale, et ainsi de suite. Et ce qu'on a observé, c'est que dans le phénomène de la religion catholique, ce qui a amené son déclin au Québec, ça a été que les individus se sont sortis personnellement, au fil du temps, de la religion. Donc, les gens naissant au Québec catholique, dans des cadres de famille catholique, étaient par défaut catholiques. Et ce qu'on a observé, au fil du temps, c'est que les gens se sont sortis de la religion individuellement, un par un, en fonction d'une individuation et d'un ras-le-bol. Donc, il y a des gens qui ont dit « ça va faire, je ne me soumets plus à toutes ces règles-là, j'y crois pas ». Donc, les gens ont progressivement délaissé les églises, les lieux de culte, ils ont arrêté de les financer. Donc, les gens aussi, ce qu'il faut comprendre en lien avec ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de souffrances qui ont été vécues en relation avec la religion, dans le sens qu'il y a des femmes qui avaient une pression sociale, des prêtres qui faisaient du porte-à-porte à chaque année pour qu'elles aient des enfants, et même les femmes qui avaient des problèmes de santé et qui pouvaient mourir si elles accouchent d'enfants, ben on disait non, il faut continuer à avoir des enfants, puis c'est sûr que si la femme meurt, puis par la suite, les enfants, ils sont nombreux, hein, parce qu'on demande d'avoir des enfants chaque année. Donc, imaginez 7 ou 8 enfants qui se ramassent sans mère avec le père. C'est sûr que sur le plan éducatif, ça ne devait pas être nécessairement très agréable, j'imagine. Mais il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, puis ils ont décidé de sortir de ça. Et là, présentement, il y a des gens qui vivent des traumatismes par rapport à l'imposition de mesures, de règles sanitaires depuis plusieurs mois. Puis, à quelque part, il y a des gens qui décrochent du discours, mais ça se fait un par un. Dans le sens que c'est une sortie individuelle de la soumission à des croyances du collectif. Et c'est sûr que moi, individuellement, par rapport au port du masque, comme moyen de protection contre le coronavirus, eh bien, à savoir si c'est efficace ou non, j'ai mes réponses. Et dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je continue à fonctionner en société dans le sens que, bon, je vais dans des commerces, je vais porter le masque. Mais est-ce que, dans le fond, je me sens menacé par le virus présentement? La réponse, c'est non. Donc, surtout en plein été, qui n'est pas habituellement une période où le virus, si on pense par rapport à la grippe saisonnière, est en force, hein? Donc, habituellement, les cas de gens qui sont atteints de la grippe l'été, il y en a moins. Et dans cet esprit-là, bon, c'est sûr que à quelque part, je me sens pas menacé par le coronavirus. Puis, comme il a déjà été dit, à un moment donné, il faut peut-être évaluer la possibilité de sacrifier le sacrifice. Parce qu'on invite souvent les gens à sacrifier. Ah, c'est temporaire, c'est juste un petit 2 semaines là, pour des mesures là, de confinement. Puis finalement, 2 semaines devient 2 mois. Puis progressivement, on se dirige vers un 2 ans de crise. Donc, tout est amené d'une certaine façon à conditionner les gens à adhérer à quelque chose, puis qu'il n'y ait pas trop de résistance. J'observe ça. Donc, moi, le discours officiel, je suis détaché de ça. Et dans le fond, j'ai pas la croyance que le vaccin va me sauver. D'ailleurs, avant qu'il y ait la crise sanitaire, si on m'aurait dit, est-ce que tu crois que Jésus va te sauver personnellement? La réponse, c'est non. Bon, s'il y a des gens que ça fait du bien de croire que le vaccin, que Jésus va les sauver, ça leur appartient. Mais moi, personnellement, le seul élément qui peut m'apporter un salut dans ma vie, c'est mon être en tant qu'absolu que je me donne à être. Donc, pour moi, ce qui va m'apporter le salut, c'est de répondre à moi-même, en m'écoutant fondamentalement, en arrêtant de me désobéir. Donc, voilà le point que je veux amener ici. Dans le temps de la religion catholique, le salut passait par l'adhésion à certains rituels, comme par exemple la communion. Donc, dans une volonté de s'unir dans une union commune avec l'hostie qui représente le Christ, lorsque la personne absorbe l'hostie en elle, qu'elle égurgite ce morceau de pain, ben à ce moment-là, elle sent un avec le Christ. Donc, c'est un rituel social associé à la religion catholique qui permettait à la personne de vivre un état, par-delà le rituel, qui lui apportait une forme de salut. Et là, aujourd'hui, à l'époque moderne où la religion est en déclin, ben là, on a le rituel de la vaccination, donc qui va amener aux gens une forme de salut. Donc, il y a des gens qui se font vacciner, puis sont heureux, sont enthousiastes, sont euphoriques en ayant l'impression qu'ils vont être libres. On verra bien. Parce que ma conception de la liberté ne repose pas nécessairement sur le fait d'être vacciné ou non. Ma conception de la liberté repose sur le fait de se laisser être pleinement soi-même. Donc, puis peu importe les situations, les événements. Donc, autrefois, pour faire partie de la société, il fallait être membre de la religion catholique, faire les sacrements, la communion, la confirmation. Aujourd'hui, pour être membre de la société, bien, il faut se faire vacciner. C'est un nouveau rituel social qui sera sans doute de plus en plus étudié par les anthropologues d'aujourd'hui ou de l'avenir comme moyen de solidifier le vivre ensemble, pour employer une belle expression. Donc, le rituel social de la vaccination comme moyen d'adhésion à une société, dans le sens qu'on fait miroiter aux gens que si tu te fais vacciner, eh bien, tu vas avoir des privilèges, comme la possibilité de voyager dans d'autres pays. Et on fait peur aux gens en disant, ben ça se peut que si tu te fais pas vacciner, là, tu pourras plus par la suite aller au cinéma, aller voir un match de hockey, aller dans toute activité qui implique des groupes. Donc, au cours où tu perds certains droits qui soient réservés à ceux vaccinés, dans le cadre d'une apartheid sanitaire, bien, pour que tu continues de faire partie de la société à part entière et bénéficier de tous les droits et les privilèges, bien, fais-toi vacciner. Donc, le rituel, si on dirait aujourd'hui aux gens, pour faire partie de la société, il faut que tu sois baptisé comme tant de la religion catholique avant des années 60, ou sinon tu vas être exclu de l'Église, probablement que des gens qui diraient non, je ne veux pas nécessairement me faire baptiser. Ça marcherait moins, là. Ou faire peur avec les gens avec le péché, que si tu as des activités sexuelles sans te marier, là, tu vas aller en enfer après ta mort, c'est un acte de péché, tu fais de la peine au petit Jésus, puis il pleure. Ça risquerait d'avoir moins de succès aujourd'hui. Par contre, si on dit à la personne, ben si tu ne te fais pas vacciner, tu ne pourras plus voyager dans d'autres pays, tu ne pourras plus aller même au restaurant ou à l'épicerie, là, il peut y avoir une certaine emprise. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'autrefois, la religion avait une emprise sur les gens avec les rituels. Aujourd'hui, c'est une forme moderne du rituel à travers la vaccination. Et on observe des mécanismes similaires qui s'opèrent. Donc, autrefois, quelqu'un qui s'opposait à la religion par les propos, il était tassé, il était catégorisé d'hérétique, il était... dans certains cas, il y a des gens qui étaient brûlés sur le bûcher de l'Inquisition. Donc, il y a des gens qui étaient torturés, etc. Puis, ils étaient exclus de la société. Donc, on disait « hors de l'Église, point de salut ». Aujourd'hui, la version moderne en lien avec l'émergence des nouvelles technologies, c'est aujourd'hui « hors des réseaux sociaux, point de salut ». Donc, si quelqu'un va à l'encontre du discours narratif trop fort, la personne peut perdre son canal YouTube, peut perdre aussi sa page Facebook. Pis si elle devient moindrement populaire, elle est de plus en plus surveillée, ce qui fait que, à cause de la censure ambiante, ben, elle peut, dans le fond, perdre la filiation sociale virtuelle, parce qu'aujourd'hui, on valorise le virtuel. Comme autrefois, c'est la filiation sociale qui passait par le réseau social qui entourait l'Église, c'est-à-dire que les gens allaient discuter sur le perron de l'Église. Donc, c'est une version dématérialisée à travers les nouvelles technologies du concept de réseau social, de contacts sociaux, etc. Sauf que la différence entre les deux, c'est que les nouvelles technologies permettent la traçabilité des individus, puis de les surveiller, puis de les contrôler à distance. Donc, lorsque je vais sur le web, je pars toujours du principe suivant. Tout ce que je regarde ou que je mets en ligne en termes de vidéo et sur le plan sonore peut être enregistré. La minute qu'on voit une image sur l'ordinateur, on peut l'enregistrer. La minute qu'on entend un son sur l'ordinateur, on peut l'enregistrer. La minute que vous envoyez un message texto, il peut être sauvegardé. Même chose... par rapport aux appels téléphoniques à partir du web, tout ça, ça peut être enregistré. Donc, partez du principe que la minute qu'une interface électronique entre vous et un autre individu, vous pouvez être surveillé. Puis, dans le temps de la religion, il y avait le mépris de la chair, de la sexualité, de l'orgasme, de la jouissance. Et par rapport à ça, il y a eu... En divergence par rapport à ça, l'émergence de la philosophie jovialiste là, au Québec, qui a eu un certain rayonnement médiatique pendant quelques décennies, les années 70, 80, 90. Et c'est sûr que André Moreau faisait la promotion de l'épanouissement sexuel, de la jouissance, etc., ce qui est très, très différent de la vision de l'Église et de la religion, donc où c'était très mal vu. Et la religion déclinait, donc les gens se permettent de plus en plus une grande liberté sexuelle. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? La menace du coronavirus. Et là, on fait peur aux gens en disant « faut que vous restiez au Québec à 2 mètres les uns des autres, éviter les contacts, donc les rapprochements intimes sexuels. » Pourquoi? Pour empêcher que, à quelque part, les gens aient accès à une liberté. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a bien joui, qui a vécu plusieurs orgasmes, il ne vibrera pas à la peur. Tandis que la personne qui est frustrée sexuellement parce qu'elle passe ses journées tout seule devant son écran de TV à écouter des animatrices et animateurs de bulletins de nouvelles qui sont nerveux, qui sont stressés et qui ont le don, et je dois les applaudir, de faire peur au monde à partir de peu d'informations. Donc, c'est tout un art qu'on observe. Donc, on parle là que il faut que les gens, comment dire, là, on voit des animateurs de TV là, qui disent que c'est important que les gens se fassent vacciner. La menace est là. Puis, à peu près une centaine de cas liés au COVID là, présentement. Là. Puis, on cherche à nous faire peur. Là. Il y a l'apparition du variant indien. Puis, on présente plein d'éléments. Puis là, à un moment donné, il y a des choses qui dépassent un peu là, de ce qu'on essaye de mettre en dessous du tapis. Et là, c'est peut-être tout simplement les matchs de hockey télévisés qui vont éveiller une partie de la population québécoise. Parce que là, quand les gens réalisent que dans un amphithéâtre intérieur à Las Vegas, comme ça a été le cas récemment, où l'équipe des Canadiens de Montréal vont jouer contre l'équipe de cet endroit, bien, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont réunies sans distanciation sociale, sans port du masque, puis ils fonctionnent comme avant crise. Ils ne suivent pas des règles sanitaires aussi strictes là, comme on voit au Québec là, avec toute la distanciation, etc. Puis là, les mois passent, puis les gens, que ce soit au Texas, en Floride, dans le sud des États-Unis, ils n'ont pas des mesures aussi strictes qu'au Québec, on peut observer que ces gens-là, ben, ils meurent pas par milliers ou millions à cause du coronavirus. Mais là, à un moment donné, c'est peut-être de la chance. Tu sais, quand ça fait quelques jours, là, à un moment donné, ben, ça fait quelques mois, puis ces gens-là, ils meurent pas. Ben là, à un moment donné, les gens vont se poser des questions. Pourquoi qu'eux ne peuvent pas, par exemple, se réunir là, à Montréal pour assister à un match de hockey comme à l'avant-crise, alors que d'autres endroits le font, puis finalement, on n'entend pas parler d'éclosion meurtrière puis de millions de personnes qui se mettent à mourir du coronavirus. À un moment donné, les gens qui écoutent les parties de hockey en voyant le décalage entre qu'est-ce qui se passe au Québec puis ailleurs où il n'y a pas les mêmes contraintes, ben, à un moment donné, ces gens-là, ils vont peut-être se poser des questions. Mais ce qu'il faut réaliser dans tout ça, c'est que les gens sont manipulés à avoir peur. Donc, imaginez un amphithéâtre intérieur, parce qu'à Las Vegas, il fait très chaud. Hein? Tout ça, c'est à l'intérieur, avec des milliers de personnes. Puis au Québec, là, s'il y a moindrement là, des gens qui se réunissent là, à l'intérieur d'un domicile, puis là, il y a des règles strictes. Comme là, il y a un maximum, je pense que c'est en zone verte, je pense que c'est 10 personnes de 3 familles différentes. Ben là, il faut éviter les contacts parce qu'on peut potentiellement contaminer des gens puis mourir. On cherche à nous faire peur avec ça, avec un maximum de 10 personnes. Puis là, on entend parler de plusieurs milliers de personnes qui se réunissent dans des lieux intérieurs. Puis là, à un moment donné, on réalise que ces gens-là meurent pas par milliers. Ben là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va peut-être allumer. Moi, c'est, par rapport à ce qui se passe, c'est évident que quelque part, entre la croyance de la menace du virus versus ce qui se passe concrètement dans des rassemblements de foule, c'est très différent. Donc, c'est sûr que à un moment donné, ben, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va se réveiller. On verra avec le temps. Mais que les gens se réveillent ou pas, en réalité, le point que je voulais faire, c'est d'être généreux envers soi, de se permettre pleinement de jouer la vie puis arrêter de se sentir coupable. Oui, c'est ça. L'essentiel de le propos que je voulais faire puis le point en lien avec la religion catholique, c'est qu'autrefois, on cherchait à nous culpabiliser en fonction de préceptes de la religion catholique, que tu n'es pas un bon chrétien si tu ne vas pas à messe tous les dimanches, ensuite tu n'es pas un bon chrétien si tu ne fais pas baptiser tes enfants, ainsi de suite. Puis là, aujourd'hui, c'est les préceptes de la doctrine sanitaire qui est présenté par les médias, par l'essentiel de leurs propos, comme étant quelque chose de très puissant. Donc, autrefois, on avait le pape avec la religion catholique auquel les gens se soumettaient. Puis aujourd'hui, au Québec, on a le docteur Horacio Arruda de la santé publique qui, un peu à l'image du pape, a une infaillibilité qui n'est pas nécessairement contesté. Autrement dit, au début de l'année 2020, il dit « Portez pas le masque, vous allez vous le mettre dans la face, vous allez tout vous contaminer en le touchant à multiples reprises. » Puis par la suite, quelques mois après, il recommande le port du masque obligatoire dans les lieux intérieurs. et un peu à l'image du pape, puis on se met tous à genoux devant lui collectivement, on part du principe que c'est un homme de science, il sait mieux les choses que nous autres, puis il faut le croire d'une manière aveugle, puis il est infaillible. Donc, il peut dire quelque chose, portez pas le masque, ensuite il peut dire exactement le contraire, portez le masque, et comme on croit, puis on boit dans ses paroles, parce qu'on a un culte devant lui, parce que c'est un homme qu'on croit être de science, ben on se soumet à ça. Donc, comme autrefois, les gens se soumettaient à la volonté du pape. Donc, si le pape déclare quelque chose un jour, une autre journée, ah, le pape est infaillible. Et c'est l'infaillibilité de la foi liée à la religion ou la foi sanitaire qui amène certains comportements sociaux que j'observe. Et par rapport à tout ce discours-là, je me détache de tout ça et je me permets d'être le témoin de la société. Je cherche pas à dominer les gens. Mais je me laisse surtout pas dominer par eux ou dicter ma pensée par eux. Et je me permets de rire devant tous ces journalistes apeurés, névrosés, angoissés, qui cherchent à propager la peur du coronavirus dans un désir de sauver, un peu comme les prêtres là, qui voulaient sauver les âmes qui sont en péril. Cette volonté de surprotection infantilisante, maternante québécoise, qui était déjà là avant la crise. Tu sais, avant la crise du coronavirus, où on répète constamment les principes de la sainte religion sanitaire, il y avait déjà, au préalable, quand on a regardé les journalistes, des conseils qu'ils donnaient à travers des bulletins de nouvelles. Donc, on gardait déjà les gens à un état d'infantilisation. On disait, ben là, il fait soleil aujourd'hui. Mettez votre crème solaire. Oubliez pas de vous hydrater, c'est une canicule. Et là, eux autres, ils faisaient ça un peu comme quand on s'adresse à des enfants pour leur dire quoi faire aux gens de la population, puis avec une volonté spirituelle de bien faire en disant on va les éduquer. Mais est-ce que les gens demandent à être éduqués? Est-ce que moi, je vais être éduqué puis materné par des animatrices de bulletins de nouvelles de TVA, qui est le gros média ici au Québec? La réponse, c'est non. J'ai pas besoin de deux autres pour me dire quoi faire, comment me comporter. Puis les mêmes journalistes, ben ils vont dire lavez-vous les mains régulièrement, évitez les déplacements inutiles. Ensuite, ils vont faire la promotion de la vaccination aussi. Donc, j'observe tout ça. Puis je vois que quelque part, il y a des forces présentement qui cherchent à maintenir les gens d'une manière infantilisée. Donc, il y a eu la période de l'obscurantisme religieux. Ensuite, les gens se sont détachés de ça, puis ça avait moins de succès. Fait que là, ils ont réussi à trouver la religion sanitaire avec la menace du coronavirus. Et puis, si un jour ça a moins de succès, ben on va trouver une autre forme de menace ou à revenir à la menace des changements climatiques pour faire peur aux gens. Donc, mais... Dans le fond, par rapport à la réalité de la menace du coronavirus, des changements climatiques, j'invite toujours les gens à évaluer tout ça par eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Moi, j'ai mes réponses par rapport à tout ça. Puis des fois, c'est des réponses qui peuvent quand même être assez surprenantes. Mais depuis le début de la crise, je voyais pointer l'agenda de la vaccination puis de la pression sociale. Donc, puis, qu'est-ce qui se passe présentement? Ça ne surprend pas. On entend parler de la fermeture de commerce. J'écoutais récemment une vidéo là, de Citoyen Lucide, qui est un Québécois qui a une chaîne YouTube. Donc, je le trouve quand même très intéressant. Puis, il faisait jouer une vidéo de lui-même il y a quelques mois. Puis, il dit, ah, ben, regardez, l'agenda du Grand Reset se présente. Le but du Grand Reset, entre autres, ben, c'est d'amener une fermeture des petits commerces locaux, d'éviter que les gens voyagent, etc. Puis, quelques mois après, c'est exactement qu'est-ce qui se passe. Puis, dans quelques mois, la prédiction que je vous fais, ben, il va y avoir une continuité de la fermeture des petits commerces. Et il y a l'agenda qui continue, qui avance, mais j'ai mon agenda individuel qui est l'actualisation d'un grand projet de nature transcendantale, c'est-à-dire qui dépasse ma personne sur le plan physique, qui est mon actualisation totale et ma conversion en lumière. Donc les gens, soient des lumières ou non dans notre environnement, comment dire, qui se soumettent à l'agenda sanitaire ou non, ça leur appartient. Puis les gens, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis en contact avec des gens qui sont vaccinés. Puis écoutez, c'est leur expérience. Puis moi, je m'empêche pas de parler aux gens. Par contre, le point, puis comme je le disais tantôt, c'est que je ne suis pas intéressé à ce que des gens aient des propos moralisateurs à mon égard, puis cherchent à me forcer à adhérer au discours vaccinal. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui vise à être libre, à être dans le vivre et dans le laisser vivre. Donc, sinon, la générosité envers soi, c'est de se donner tout ce qui est le plus beau dans sa vie. Ça permet d'écouter la plus belle musique, de manger la plus belle nourriture, puis de s'accepter comme qu'on est. Moi, j'aime beaucoup la sensualité. Par exemple, de donner, de recevoir un massage, par la suite, même de flatter mon chat. C'est une expérience agréable lorsqu'elle ronronne, de prendre un bon bain. Donc, c'est tous des plaisirs de vie que, pour moi, c'est fondamental de connaître sur Terre parce que ils sont porteurs de sens dans mon existence. Et à quelque part, l'idée qu'il faut toujours se sacrifier, là, il y a des gens qui le font depuis plusieurs semaines en disant « Ah, c'est temporaire! » On leur a dit « Ah, c'est temporaire! » Là, à un moment donné, la crise, ça fait un an et demi. Puis là, il y a des gens qui commencent à être tannés. Mais moi, ma curiosité de voir, c'est combien de temps les gens vont accepter de se soumettre et de se sacrifier au nom de décrets sanitaires. Peut-être que ça va durer longtemps. N'oublions pas que les gens, pendant plusieurs décennies et générations, se sont soumis au décret de la religion catholique. Donc, au Québec, ça a duré longtemps, hein, l'emprise de la religion catholique sur les citoyens québécois. Ça a été d'une famille à l'autre. Puis, à un moment donné, bien, il y a des gens qui ont saturé de ça. Puis, ça sont sortis de ça individuellement, comme je le mentionnais. C'est sûr que quelqu'un qui se sort individuellement de quelque chose. Je pense entre autres à l'exemple qu'avait donné à un moment donné Bernard de Montréal, qui a véhiculé l'instruction supramentale au Québec. Il disait, ben, quelqu'un qui délaisse l'Église catholique alors qu'il allait à la messe tous les dimanches, ben, le dimanche qui suit la dernière fois qu'il y a été, il faut que sa volonté soit plus grande que le sentiment de culpabilité qui est lié au fait qu'il ne va pas à la messe. Et c'est sûr que la personne qui est habituée d'aller à la messe tous les dimanches, puis à un moment donné, il est tanné, là, c'est de voir s'il va être récupéré par la culpabilité, puis il va y aller pareil, ou il va tenir son bout en disant « Non, je ne vais plus à la messe. » Et là, de ne pas aller à la messe un dimanche, il peut trouver ça difficile. Un autre dimanche, ben là, commence à s'habituer, un autre dimanche aussi. Et la volonté de sortir du discours, du narratif des médias officiels, puis d'arrêter à la messe, c'est-à-dire d'arrêter de se soumettre puis d'adhérer à ça, à ces croyances-là, puis à cette hypnose de masse. Au début, on peut trouver ça difficile. Et c'est de voir qu'est-ce qui va primer. Parce que je suis au courant du cas d'une personne de mon environnement qui ne voulait pas se faire vacciner, et tous les individus de son environnement lui ont dit que tu es égoïste. Tu penses pas aux autres, tu te fais pas vacciner pour l'amener à se sentir coupable. Alors que, à l'origine, il se faisait pas vacciner, il y avait pas cette volonté-là, mais sous la pression des gens de son environnement, finalement, cette personne a été vaccinée sous cette pression-là. Mais il faut se poser la question, est-ce que quelqu'un qui refuse de se faire vacciner est réellement égoïste? Dans le sens que, premièrement, si on y va juste, sans aller dans la grosse métaphysique ici, si on va juste avec les faits, les vaccins, au moment où je vous parle, qui sont présentés, n'empêchent pas la transmission et la contamination du coronavirus. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est vacciné peut attraper le coronavirus. C'est juste que il va être plus faible sur le plan des manifestations symptomatiques qu'il est susceptible de connaître. Donc, à ce moment-là, par rapport à ça, ce que ça veut dire, c'est que si la personne, donc, attrape le coronavirus, qu'elle soit vaccinée ou non, elle peut le transmettre. Donc, c'est sûr que si on dit que la personne est égoïste, elle ne pense pas aux autres, à ce moment-là, il faut se poser des questions. Parce que, à quelque part, que la personne soit vaccinée ou non, elle peut transmettre pareil le coronavirus aux autres. Et c'est une question à se poser, mais en fait, la personne qui vit de l'aide, elle agit pour soi. Si on voit avec le fondement d'où je veux en venir, c'est que la personne qui assume pleinement son être agit en fonction d'elle-même. Elle ne cherche pas à faire plaisir aux autres en dépit de qu'eux autres cherchent à la culpabiliser. Ça prend une imperméabilité par rapport à toute forme de chantage, de menace qui peuvent venir de l'environnement. C'est sûr que c'est pas facile, j'en conviens. Mais à quelque part, ça prend une volonté puissante pour oser être en contexte de crise où on cherche continuellement à nous manipuler avec un discours de masse. Donc, il faut être extrêmement généreux envers soi-même. Et la générosité envers soi-même, à mon avis, ça ne sera jamais bien vu par la société puis ceux qui cherchent à la contrôler, parce que quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui jouit, si on prend le cas de la jouissance sexuelle qui est extrêmement évidente, quelqu'un qui a une vie qui est épanouie, la personne elle s'entraîne physiquement, elle fait du sport, elle fait bronzer sa peau au soleil, puis la personne a une vie sexuelle épanouissante. Est-ce que vous pensez que cette personne-là va se mettre à vouloir, devenir une soldat qui va faire la guerre? Ou pensez-vous que cette personne-là va chercher à servir la société de consommation puis consommer d'une manière compulsive parce qu'elle est frustrée? Mais non, si la personne est bien dans sa peau, elle va être moins manipulable par la société. Pensez-vous que quelqu'un qui a bien joui là, va chercher à commettre des actes criminels comme tuer des gens ou se suicider? Posez-vous la question. Au Québec, là, depuis plusieurs semaines, on entend parler de féminicide. Donc, c'est un nouveau mot qu'on a développé pour parler du meurtre de femmes. Et là, on nous parle de ça, puis on cherche à mobiliser les gens qui cherchent une cause, les gens de haute spiritualité, de se tourner vers dénoncer les hommes qui peuvent être violents. Donc, je suis d'accord, certes, que la violence faite aux femmes doit être dénoncée. Par contre, ce qu'il faut regarder derrière ça, c'est que c'est une forme de direction d'engagement social contrôlé. Donc, les médias de masse vont valoriser présentement les gens qui dénoncent la violence faite aux femmes. Et si les gens dénoncent les mesures sanitaires, ça c'est des complotistes, des convidiaux. Pourquoi? Parce que les médias ont décidé d'orienter vers où la volonté d'opposition des gens va se tourner. Donc là, c'est par rapport à ça. Par contre, tout ce qui est de manifestation pour s'opposer aux mesures sanitaires, ça, c'est rabroué. On parle de ces gens-là comme étant des dangereux, etc. On cherche à les discréditer. Mais toute personne qui va parler contre la violence faite aux femmes, qui est une cause qui me semble pertinente, là, je dis pas la pertinence de la cause, mais ils vont être encensés. Donc, on voit qu'est-ce qui se passe. Mais moi, la question qui m'habite, c'est qu'est-ce qui amène justement cette augmentation-là de la violence face aux femmes? On parle d'augmentation de problèmes de santé mentale. À mon avis, c'est le mode de vie inorgasmique qui s'est développé présentement, entre autres. Il y a d'autres facteurs, là, j'en conviens. Mais je pars du principe que quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui jouit au quotidien, il n'aura pas envie de tuer quelqu'un ou de démembrer une autre personne. Donc, quelqu'un qui vit en fonction de son être d'une manière intégrale, avec générosité envers elle-même, elle ne cherchera pas à suicider. Parce que, d'ailleurs, en lien avec le suicide, ce que je veux mentionner, c'est qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui vont se suicider, non pas parce qu'ils veulent mourir, mais tout simplement parce qu'ils souffrent et qu'ils veulent mettre fin à leur souffrance. Et que la seule solution qu'ils voient comme étant la plus adaptée, compte tenu de leur état de connaissance, c'est de se donner la mort. Mais en réalité, il serait sans doute possible que si on poserait la question à plusieurs personnes qui se sont suicidées, est-ce que vous voulez vraiment mourir? Il est possible qu'il y en ait plusieurs parmi eux qui vont dire non, mais qu'en réalité, ils veulent que leur souffrance arrête, puis comme ils n'ont pas d'autre solution, ben ils se tournent vers le suicide. Donc, c'est ce que je voulais mentionner par rapport à ça. Et le mode de vie présentement, en lien avec la gestion de crise du coronavirus, qu'on cherche à instituer, le mode de vie de l'otaku auquel je faisais référence tantôt, un peu comme la personne au Japon là, qui vit chez elle là, devant son ordinateur tout le temps sans contacts sociaux. Pour moi, à mon avis, c'est un mode de vie qui est malsain et qui est beaucoup plus sain le mode de vie où les gens vont se rencontrer, vont se faire des câlins, vont se prendre dans les bras, ils vont rire ensemble, vont se donner un massage, ils vont pouvoir vivre une sexualité aussi. Pour moi, le toucher, la sensualité font partie de la nature humaine fondamentale et de vouloir amener les gens à s'isoler, à être coupés, ça va faire des gens frustrés sexuellement qui peuvent potentiellement devenir agressifs. Si on pense au phénomène de la libido, c'est-à-dire du désir sexuel, en psychanalyse, Sigmund Freud parlait de pulsion de vie à travers le phénomène de la libido, le désir sexuel. Et c'est sûr que sur le plan psychanalytique, toute pulsion de vie contrariée peut se transformer en pulsion de mort, thanatos. Donc, autrement dit, la pulsion qui a ramené la personne à jouir, à être heureuse, profiter de la vie, va vivre une conversion obscure qui va amener la personne à être frustrée, colérique, etc., puis éventuellement commettre des actions extrêmement nuisibles pour elle-même ou pour la société. Donc, c'est sûr que lorsque on parle de ces choses-là, il y a des gens qui vont chercher à remettre en place l'interdit de la sexualité, comme dans le temps de la religion catholique, dans le cadre de l'ère de la sainte doctrine covidienne. Et pourquoi je parle de sexualité? Parce que c'est très fondamental. Et souvent, je vais analyser la réalité de manière à l'évaluer en fonction de la nature humaine, avant le contexte de la société industrialisée présente, pour contextualiser les choses. Autrement dit, si pendant des millénaires, les êtres humains ont fonctionné dans un cadre où les gens se touchaient, il y avait des contacts sociaux, puis là, en quelques décennies, on dit, les gens passent de plus en plus de temps devant l'ordinateur. Pour moi, c'est une forme de dénaturation. Et l'analyse que je fais, c'est souvent, de regarder qu'est-ce qui se passe en relation avec les antécédents au niveau biologique de l'être humain. Si, prenons par exemple la question du jeûne. Donc, si pendant des millénaires, l'être humain, si on pense au temps de nos ancêtres, ont été dans un contexte où il pouvait arriver des pénuries de nourriture, de privation, et qui ont développé un corps biologique qui est très adapté pour faire face à des pénuries de nourriture. Puis là, en quelques décennies, avec l'émergence de l'ère industrielle, on a accès à une abondance de nourriture. Donc, c'est sûr que le corps biologique, dans ma compréhension, est beaucoup plus adapté à fonctionner dans un contexte, soit que juste la nourriture qu'il a besoin ou un petit peu moins de privation. Tandis que dans un contexte d'abondance de nourriture, ben là, on voit l'émergence de problèmes de santé importants, que ce soit le diabète, l'obésité morbide et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas adapté à faire face à une grande quantité de nourriture que nous offre le contexte présentement qui nous, à quelque part, ce contexte-là amène une dénaturation de l'être humain. Donc, c'est un contexte qui ne tient pas nécessairement compte des antécédents millénaires de l'être humain. Et c'est sûr que, dans le fond, si on prend, par exemple, la nature de la sexualité, c'est un petit peu le même principe. Les êtres humains ont des pulsions sexuelles, ainsi de suite, puis là, on cherche à priver, au nom de la menace du coronavirus ou autrefois de la religion. C'est un contexte de dénaturation. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est que pendant des millénaires, par exemple, l'être humain était à l'extérieur. Il n'était pas confiné à l'intérieur de chez lui. Et là, après ça, tu as des gens qui sont confinés, puis ils vivent une forme de stress nerveux associé à fait qu'ils passent de nombreuses heures devant l'ordinateur. Parce que leur corps biologique n'est pas adapté à ça. C'est comme les téléphones intelligents. Puis là, il y a une épidémie, là, ce que j'entends parler, là, chez des jeunes qui développent des problèmes de vision parce qu'ils sont exposés en bas âge à utiliser des téléphones intelligents, ce que les gens en Europe appellent des « smartphones ». Donc, pourquoi? Ben, parce que les yeux, sur le plan biologique, ne sont pas adaptés pour passer leur temps à être centrés sur des petits détails à l'écran. C'est sûr que pour compenser, il est possible d'exercer la pause 20-20-20. Donc, regardez à 20 mètres, donc à tous les 20 minutes, pendant 20 secondes, pour amener l'œil, qui son attention est tournée vers des petits détails, à regarder au loin, pour à ce moment-là favoriser la santé oculaire. Donc, ça, c'est ce que j'ai entendu parler. Donc, de changer le focus de l'œil pour favoriser la santé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant des millénaires, l'être humain n'a pas passé son temps à regarder des téléphones intelligents. Et c'est la raison pour laquelle moi-même, oui, j'ai un téléphone intelligent, mais je ne le regarde pas constamment. Puis si je réponds à des messages, de préférence, l'essentiel du temps, c'est toujours sur mon ordinateur pour que les caractères soient quand même assez gros puis je puisse regarder ailleurs. Sinon, il y a des équilibres posturaux qui peuvent être engendrés par regarder régulièrement le téléphone intelligent, dans le sens que si la personne a tout le temps le goût courbé puis elle utilise les pouces avec le visage proche de l'écran, ben c'est pas nécessairement sain. Et ça mène à penser à une conférence par rapport à un médecin retraité quand il était médecin, il s'appelait Dr. Béliveau. Donc, un médecin retraité, il y a eu plusieurs conférences, là, c'est-à-dire des enregistrements de lui là, sur YouTube, Facebook. Donc, il est quand même intéressant, c'est un Québécois. Et il présente un discours là, alternatif aux médias de masse par rapport à la crise, que je vous invite donc à découvrir, puis amener des considérations intéressantes par rapport au concept de normalité. Donc, lui se faisait poser la question en tant que médecin, est-ce que c'est normal, docteur, telle chose? Puis lui, il dit à la personne, vous ne posez pas la bonne question. La question que vous devriez poser, c'est est-ce que c'est sain pour vous? Parce que si on cherche à se référer à la normalité, c'est-à-dire la norme, la majorité, c'est pas nécessairement ça qui va permettre de répondre adéquatement à nos besoins. Et je trouvais ça intéressant son propos. Donc, au lieu de se poser la question si tel comportement c'est normal ou pas, vaut mieux se poser la question est-ce que c'est sain ou pas par rapport à soi. Se référer à la normalité puis aux autres, c'est de se soumettre à l'agenda collectif. Et on va regarder qu'est-ce que ça va donner. L'agenda collectif, dans les prochains mois, là, on le voit déjà, hein, avec les fermetures de restaurants, de bars, de commerces. Qu'est-ce que ça donne? Sur l'état de santé mentale de certaines personnes qui vivent des problèmes, et ainsi de suite. On le voit, là, hein, les manifestations puis l'impact que cela a sur la population. Donc, moi, ce que j'ai à poser comme question, est-ce que c'est sain pour moi de me soumettre à toutes ces règles sanitaires? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire que je suis égoïste, mais il faut comprendre que dans mon questionnement, ma volonté n'est pas de nuire à autrui. Ma volonté est d'être généreux par rapport à moi-même. Dans ma compréhension et ma conception de l'égoïsme, quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui cherche fondamentalement à nuire à autrui. Donc, c'est sûr que si la personne cherche à porter préjudice à autrui, dans ma compréhension des choses, c'est de l'égoïsme. Elle pense à elle au détriment des autres. Mais si la personne pense à elle en générosité envers elle-même, puis c'est pas dans un esprit de nuire, ben à ce moment-là, je vois pas c'est quoi le problème. Donc, c'est la façon que je vois les choses. Et c'est sûr que ça fera sans doute pas l'affaire de certaines personnes moralisatrices, naturellement. Ou sinon, l'ancien médecin Béliveau, il a dit quelque chose d'autre que je trouvais intéressant. Au lieu que la personne se conçoive comme étant une patiente, donc quelqu'un qui doit consulter un médecin puis être patiente, elle devrait plutôt se concevoir comme étant l'artisan de sa santé en tant qu'individu. Je trouve ça intéressant, être l'artisan de sa santé, pourquoi pas être l'artisan de son bonheur, de sa jouissance, et ainsi de suite. Au lieu de patienter en fonction de ce que les autorités vont nous dire. Donc, ça, je trouve ça intéressant, ces petits éléments-là qui sont apportés. Donc, je termine l'enregistrement parce que, à quelque part, j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est sûr que s'il y a des gens là, parmi vous qui appréciez mes propos, puis que vous trouvez que ça vous fait du bien, que vous avez l'impression de pas être seul à penser ainsi, ben, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés qui sont PayPal et également Interact, dont vous allez retrouver là, les coordonnées là, en bas de l'enregistrement présent. Donc, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Ça a été un plaisir pour moi de vous parler. Parce que je l'ai fait dans un esprit de générosité envers moi-même. Donc, pour moi, de communiquer ces choses-là, c'est un plaisir de vie. Donc, je vous laisse maintenant. Et vous dis au revoir. Bye-bye.